Et voilà, nous sommes rendus au bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien. Avec grand plaisir, je vais vous faire entendre une découverte que j'ai faite cette semaine en allant sur le site de RAFA, du RAFA, le site Coup d'œil, que le magazine culturel du RAFA, le regroupement des artistes francophones de l'Alberta. Eh bien, j'ai découvert Eve and the Talent, Yves Grégoire, si je ne me trompe pas. Il m'a envoyé une première pièce, Vivre. Et bien sûr, il va m'envoyer très, très bientôt un album digital de sa musique. Il chante en anglais et en français. Et justement, lui et son groupe, là, Eve and the Talent, vont lancer un LP. Hein, et ça fait longtemps qu'il n'y a pas dit ça, un LP, un long jeu. Donc, ça va être lancé du côté du Festival Hall à Calgary le 20 septembre prochain. Mettez ça sur votre calendrier. 20 septembre prochain, 19h, c'est un vendredi soir. Eve and the Talent va nous sortir un LP. Ça sera disponible de ce côté-là. Et avec grand plaisir, je vais vous faire entendre la pièce Vivre de Eve and the Talent. Par la suite, on va voir Je manque d'air du nouvel album de M. Paul Cournoyer. C'est l'album Le Détroit. Et Je manque d'air, très, très bonne chanson également, qui vient d'être... pas la chanson, mais l'album vient d'être lancé tout récemment. Donc, ça nous fait plaisir de faire tourner ça. Mais comme à l'habitude, vu que c'est le 25e anniversaire de Canrock, on vous fait entendre une chanson souvenir. Et la chanson, c'est tout simplement un dernier au revoir. Ça se retrouve sur le EP de Mary-Claude McDonald, le EP Comme tu es. On l'écoute à l'instant même. Voici un dernier au revoir, Mary-Claude McDonald. Oh, l'ébriété, écrire d'ivresse que de banalité, un signal de détresse, ne vivre qu'en soirée, que par politesse, dormir tout éveillé et ne manger que des restes. Sans marcher, bouger par paresse, pousser à oublier la seule unique pièce, vivre en ivresse, écrire d'ébriété, aimer sans caresse et toucher le sacré. Étoiles, je n'attends. parfois perdu dans l'autre monde, dans l'autre monde. Et je manque sans toi ce soir. Reviens sur dans le vent qui souffle sur la plaine. Au fond de moi, j'espère seulement que tu trouveras ton Éden. Aide-moi à respirer, je voudrais respirer. Mais aide-moi à respirer, je voudrais respirer. Bonne nouvelle, le groupe Soir de semaine font toujours beaucoup de spectacles, surtout dans la région du Yukon, Whitehorse. Écoutez, ils sont très populaires là-bas et ils travaillent toujours. Un jour, on aura un troisième album, comme un des membres me disait. Ça fait 7 ans qu'on travaille sur notre prochain album. Donc, ça va venir un jour, hein? Ça va venir, décourageons-nous pas. Il y aura bientôt, un moment donné, un troisième album de Soir de semaine qui font de l'excellente musique ska, rock, pop, folklorique un peu. C'est dur à classer comme style. Mais je suis bien content de voir qu'ils sont toujours ensemble, ils font des spectacles, il y a des nouvelles chansons. Et un album devrait venir à un moment donné, là, donc on va attendre ça avec impatience. Et j'ai décidé de vous rappeler un beau souvenir de Soir de semaine avec une pièce que j'aime bien, de Toi du monde, Toi, T-O-I, hein, comme toi. Toi du monde, c'est la pièce Lighter, assez intéressant, merci comme pièce. Et on va terminer l'émission avec En attendant demain de Rihanna. J'ai des nouvelles aussi pour Rihanna, avec grand plaisir. Je vous partage que le Manitoba Music Merch Fair, le MM Merch Fair, eh bien Rihanna sera en spectacle dans le cadre de ce merch-là. Et puis, ça va se passer ça le 6 septembre au Manitoba Music à Winnipeg. Et le 26 septembre, Rihanna et Lord Byron qui a remporté Grammy, eh bien, ils seront à The Artisan. Ça, c'est du côté de Regina. Donc, voilà quelques spectacles pour Rihanna, qui fait toujours de l'excellente musique, que je vous envoie en terminant. En attendant demain, très, très bonne pièce. Mais juste avant, un petit souvenir d'un groupe que j'ai découvert et que j'ai bien hâte de voir le troisième album à un moment donné. Voici Lighter, Soir de semaine. Thank you. astre. Je planerai jusqu'à la lune, je mettrai le feu à toutes les dunes. Un coup d'un sur moi qui est pas normal, on s'en fiche ce qui est normal. Je la baptiserai à mon nom. Je parcourrai ma destinée, j'éclairerai les peuples égarés. Un coup d'un sur moi qui est pas normal, on s'en fiche qui. Soleil de minuit, enfermer la mèche du rêve de ma vie. J'aimerais voyager comme un rayon à l'intérieur de mes émotions. Un coup d'un sur moi qui est pas normal, on s'en fiche qui. Paradoxalement nous ramène à nous-mêmes. Sans la main qu'on va se réinventer.